Ouvrir se dit öffnen. Öffnen qui s'écrit O umlaut 2fnen. Öffnen. Et la fenêtre c'est das Fenster. Fenêtre et Fenster, les deux mots sont très proches, surtout lorsqu'on sait que le E accent circonflexe de fenêtre rappelle un S disparu, qui se retrouve par exemple dans le verbe défenestrer. Alors, en allemand, on a das Fenster pour la fenêtre. Alors, comment diriez-vous ouvrez la fenêtre, s'il vous plaît? Öffnen Sie das Fenster, bitte. Öffnen Sie das Fenster, bitte. Bien. Lorsqu'on plonge dans le passé de öffnen, on trouve geöffnet. Geöffnet qui veut dire ouvert. Donc, comment diriez-vous j'ai ouvert la fenêtre? Ich habe das Fenster geöffnet. Bien. Ich habe das Fenster geöffnet. Et comment diriez-vous, par exemple, en parlant d'un magasin, c'est ouvert? Comment dit-on le magasin en allemand? Das Geschäft. Das Geschäft. Très bien. Et c'est ouvert? Es ist geöffnet. Bien. Es ist geöffnet. Là, vous insistez sur le résultat. Les portes ont été ouvertes et le magasin est ouvert. Mais si les employés sont en train d'ouvrir le magasin, comment diriez-vous c'est ouvert au sens de c'est en train d'être ouvert? Es ist. Pour dire que la chose est en train d'être faite, on utilise werden. Donc, comment diriez-vous dans ce sens c'est ouvert? Es wird. Es wird. Ouvert. Es wird geöffnet. Bien. Es wird geöffnet. Et si vous constatiez que le magasin était ouvert, comment diriez-vous c'était ouvert? Es. Es war. Es war. Geöffnet. Es war geöffnet. Maintenant, vous avez assisté à l'ouverture du magasin. Comment diriez-vous c'était ouvert au sens de c'était en train d'être ouvert? Là, on emploie toujours le verbe werden, mais au passé. Es wurde. Es wurde geöffnet. Es wurde. Es wurde geöffnet. C'est le passé de werden. Wurde. Es wurde. Ouvert peut aussi se traduire par le petit mot auf. Auf, A-U-F, auf. Et à la place de öffnen, pour dire ouvrir, vous pouvez aussi employer faire que ce soit ouvert. Faire ouvert, qui se dirait aufmachen. Aufmachen, oui, aufmachen. Nous l'avions vu, c'est littéralement faire ouvert. Donc, ouvrir, aufmachen. Inversement, fermer. Faire que ce soit fermé, c'est zumachen. Zumachen, oui. Comment diriez-vous j'ai ouvert la porte? La porte, c'est die Tür. Ich habe die Tür aufgemacht. Bien. Ich habe die Tür aufgemacht. Lorsqu'on plonge dans le passé de machen, on trouve gemacht. Donc pour aufmachen, on a en effet aufgemacht. Comment diriez-vous il a fermé la porte? Er hat, hat die Tür zugemacht. Bien. Er hat die Tür zugemacht. Et la porte est fermée. Die Tür ist bien zugemacht. Die Tür ist zugemacht. La porte est fermée. Vous pouvez aussi dire tout simplement die Tür ist zu, avec zu qui veut dire fermée. Die Tür ist zugemacht. Littéralement, la porte est faite fermée. La porte est fermée. Die Tür ist zu. Ou die Tür ist zugemacht. Et la porte est fermée au sens de la porte est en train d'être fermée se dira die Tür. Die Tür wird zugemacht. Bien. Die Tür wird zugemacht. Le verbe werden sert ici à exprimer le passif, qu'une chose est en train d'être faite par quelqu'un. Par exemple, la porte est fermée par Paul. Mais comme vous le savez, werden peut aussi être employé pour exprimer le futur, donc pour parler d'une action qui interviendra dans le futur. Comment diriez-vous la porte sera fermée? La porte va être fermée. Die Tür wird zugemacht. Être. Sein. Bien. Die Tür wird zugemacht sein. Et comment diriez-vous la porte sera fermée au sens de la porte sera en train d'être fermée? La porte va être en train d'être fermée. Cette fois, ce n'est pas être fermée, mais être en train d'être fermée. Die Tür wird zugemacht sein. Sein voudrait dire que vous vous heurterez à une porte close. C'était notre exemple précédent. La porte sera fermée. Mais je demandais, la porte va être en train d'être fermée. C'est-à-dire que vous évoquez la fermeture et son déroulement futur. Die Tür wird zugemacht werden. Bien. Die Tür wird zugemacht werden. La porte sera fermée. La porte va être en train d'être fermée. Ici, werden nous permet à la fois d'exprimer le futur, wird, et le passif, avec werden à la fin de la phrase. Die Tür wird zugemacht werden.